Bonjour à toutes et à tous. Alors hier, je suis allé au collège La Fontaine à Laxou rencontrer le groupe Les Moussodooms et les élèves participants à l'atelier Les Quartiers Musique, pour qu'elles puissent toutes nous parler en détail du projet Les Quartiers Musique. D'abord, Marielle va nous parler du projet Les Moussodooms. Alors bonjour Marielle, vous faites partie des groupes Les Moussodooms. Donc vous êtes ici au collège La Fontaine à Laxou pour le projet Quartier Musical organisé par le NJP. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des Moussodooms, s'il vous plaît? Oui, alors c'est donc les Moussodooms, c'est un spectacle qui fait partie de la compagnie La Torpille. Les Moussodooms, c'est donc 8 danseuses musiciennes qui jouent avec des tambours qui viennent d'Afrique de l'Ouest, des tambours qui à la base étaient des instruments dédiés aux hommes. C'est un peu la raison pour laquelle on a voulu faire un groupe de femmes avec des tambours qui demandent beaucoup de force, on va dire, physique, et en même temps avec tout le rapport avec le mouvement. C'est un spectacle qui se joue en rue ou en salle avec une partie écrite et une partie improvisée. D'accord, merci. Est-ce que vous pourriez nous parler depuis quand existe le projet, ce que vous avez déjà réalisé et ce que vous comptez faire dans les mois futurs? Donc depuis le mois d'octobre, on a déjà mis en place deux sessions de travail avec deux groupes d'enfants de deux quartiers différents, Maxéville et Vendeuvre. On a fait une présentation alors ça s'appelait Pépinière en fête, mais là c'était Parc en fête cette année. Donc on était au Parc Sainte-Marie donc en octobre pour présenter le premier jet de travail. Et là on est sur le deuxième jet de travail, de construction, de création. Alors, ça devait être une présentation à la salle Poirel le 6 avril. Ça ne le sera pas, vu les conditions actuelles. Hein. Mais en tous les cas, ça va être un projet qui va quand même voir sa continuité jusqu'en été 2021. Ah, c'est super, ça. J'ai vu que vous aviez des instruments un petit peu spéciaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos instruments? Comment fonctionnent les tambours? D'où ça vient, etc. Alors, les tambours sont des tambours qui s'appellent des doums. Doum, c'est en fait dans une langue le bambara qui veut dire tambour. Ce sont les principaux instruments qu'on utilise avec les Moussodooms. On utilise d'autres instruments, les kitiplas, d'autres petits instruments, mais c'est les instruments principaux. Donc, c'est des tambours qui sont faits avec du bois, de la peau de vache. On le joue avec des baguettes. Et donc, il y a différents sons. Ils ont trois noms. Il y a les petits qui s'appellent les kenkeni, les moyens qui s'appellent les sangbans et les gros tambours qui s'appellent les doudoumba. Je vous remercie pour cette petite précision et puis on espère voir le projet aboutir et puis pouvoir écouter ça bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour Alexandra et Océane. Donc vous êtes deux jeunes issus du collège La Fontaine à Laxou. Vous participez au projet Les Quartiers Musicaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur le projet Les Quartiers Musicaux et puis nous parler un petit peu de pourquoi vous participez au projet? Moi j'ai voulu participer parce que j'aime la musique et la première fois qu'on avait fait, ça m'avait plu. J'ai bien aimé le premier trimestre qu'on a fait et je recommençais la musique parce que j'ai appris un nouveau instrument et j'aime bien cet instrument. Donc ça m'a permis d'en rejouer avec les ateliers musicaux. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous faites avec les Moussodooms? C'est ce que vous jouez comme musique, ce que vous jouez comme instrument? Le trimestre dernier, on a appris le rock et là, on est en train d'apprendre... C'est le coupé-décalé, c'est ça, je crois? Oui, coupé-décalé. Merci d'avoir participé, Alexandra et Océane, c'était super. De rien. Voilà, merci à Myriel, Alexandra et Océane. Pour plus d'informations sur les quartiers musique, vous pouvez retrouver un entretien de Justine Loubet, co-directrice du Nancy Jazz Pulsation, sur le site de Radio Fadjet, dans la rubrique podcast. Bonne journée à tous.